Lui ne me fait pas peur, et j'ai honte de cela. Cet être qui bouge en moi, a-t-il une peau déjà ? Aura-t-il la même que moi, ou la tienne ? Et puis ce mot, peau, qui ne se détache jamais de son complément, à savoir ce qu'il y a en dessous, sous cette enveloppe. Tout ce sang, et ses muscles, et ses os, et ces objets informes qu'on ne peut ignorer, et pourtant, ils sont là. Alors il n'est pas doux de parler de la peau dans ces conditions. Parler de tissu est mieux, car sous le tissu, il n'y a pas d'organes et de monstruosités. Alors, on serait fait de tissu, dru ou soyeux, et ce serait selon. Mais la peau, c'est le cauchemar. Je ne veux plus, peux plus en parler, y penser. C'est la mort, le corps, la maladie, le réel. Tout ce qui n'est pas dans ma tête et dans mon cœur. La peau, c'est être là, vraiment, et se savoir vivant, et en avoir la preuve, et se demander ce que l'on ne s'est jamais dit avant. Est-elle douce ou rugueuse ? Est-elle soyeuse ? On parle du teint ou des boutons, de la couleur, mais pas de l'enveloppe en elle-même. Je ne veux plus parler de peau. Qu'on me laisse respirer par le cerveau et le cœur.